Fénelon, cinquième composateur du XVIIe siècle que j'ai choisi pour vous en présenter quelques textes. Prêtre comme Bossuet, il finit archevêque de Cambrai, Fénelon fut également le précepteur du petit-fils de Louis XIV, et c'est pour ce prince qu'il rédigea, en 1695, du vivant de ce monarque absolu Louis XIV, les aventures de Télémaque, dont je vais vous proposer maintenant trois extraits reliés par des résumés. Accompagné du sage Mentor, qui n'est autre que Minerve, Télémaque est à la recherche de son père Ulysse. La tempête le jette sur l'île de Calypso. Il fait à la déesse, laissée inconsolable par le départ d'Ulysse, le récit de ses aventures. Nous le voyons en Sicile, où il échappe à la mort, en Égypte, où il étudie la sage administration de ses ostrices, à Tyr, où il admire la prospérité d'un peuple de commerçants, puis échappe par miracle à la tyrannie du cruel Pygmalion. Après avoir résisté, grâce au conseil de Mentor, aux dangereuses volutés de Chypre, l'île de Vénus, il reprend la mer et aperçoit un magnifique spectacle. Le char d'Amphitrite. Pendant qu'Azaël, autre compagnon de voyage, et Mentor parlaient, nous aperçûmes des dauphins couverts d'une écaille qui paraissait d'or et d'azur. En se jouant, ils soulevaient les flots avec beaucoup d'écume. Après eux, venaient des tritons qui sonnaient de la trompette avec leurs conques recourbées. Ils environnaient le char de l'épouse de Neptune, Amphitrite, traîné par des chevaux marins plus blancs que la neige, et qui, fendant l'onde salée, laissaient loin derrière eux un vaste sillon dans la mer. Leurs yeux étaient enflammés, et leurs bouches étaient fumantes. Le char de la déesse était une conque d'une merveilleuse figure. Elle était d'une blancheur plus éclatante que l'ivoire, et les roues étaient d'or. Ce char semblait voler sur la surface des eaux paisibles. Une troupe de nymphes, couronnées de fleurs, nageait en foule derrière le char. Leurs beaux cheveux pendaient sur leurs épaules et flottaient au gré du vent. La déesse tenait d'une main un sceptre d'or pour commander aux vagues. De l'autre, elle portait sur ses genoux le petit dieu Palémon, son fils, pendant à sa mamelle. Elle avait un visage serein et une douce majesté qui faisait voir les vents séditieux s'enfuir et toutes les noires tempêtes. Les tritons conduisaient les chevaux et tenaient les rênes dorées. Une grande voile de pourpre flottait dans l'air au-dessus du char. Elle était à demi enflée par le souffle d'une multitude de petits zéphyrs qui s'efforçaient de la pousser par leurs haleines. On voyait au milieu des airs Éole, empressé, inquiet et ardent. Son visage ridé et chagrin, sa voix menaçante, ses sourcils épais et pendants, ses yeux pleins d'un feu sombre et austère, tenaient en silence les fiers aquilons et repoussaient tous les nuages. Les immenses baleines et tous les monstres marins, faisant avec leurs narines un flux et reflux de l'onde amère, sortaient à la hâte de leurs grottes profondes pour voir la déesse.